Chapitre 4. Lorsqu'il fut de retour dans son palais, après la cérémonie où il venait d'être reçu légat à la Terre, Wilson laissa éclater les sentiments de colère qu'il avait dû comprimer jusque-là. C'est qu'il avait aperçu dans la foule des seigneurs réunis à Westminster, Sir Amias Paulet, le plus ancien de ses ennemis. Ce seigneur, retenu depuis longtemps loin de la cour par les intrigues politiques auxquelles il n'avait cessé de prendre part, venait enfin, en désespoir de cause, de se ranger sous le parti des Tudors. Wilson ne l'avait pas vu depuis le jour où, par son ordre, il avait été chargé de chaînes et jeté dans la prison du château de Suffolk. En le revoyant tout à coup au milieu de ses grandeurs, il s'était rappelé tout son passé. Sous le regard dédaigneux de cet homme, il s'était senti redevenir le pauvre prêtre de village. Il avait eu honte de son élévation même en pensant que pour celui qu'il avait vu naguère en soutane de serge, son riche costume de cardinal et de légat devait paraître une mascarade. Le ministre manda un secrétaire et un sergent d'armes. Il dicta un ordre d'arrestation qu'il envoya à la signature du roi. Cela fait, dès qu'il se retrouva seul dans son cabinet, un pan de tapisserie se souleva doucement et une femme entra. Lady Catherine Gordon, entraînée par l'amour mystique qui liait son sort à celui de Wolsey, l'avait suivi à Londres, comme nous l'avons dit, pour ne pas se séparer de lui, et s'étant constituée prisonnière, à titre de femme du prétendant, alors détenue à la tour. Les mesures les plus sévères avaient été prises d'abord envers cette femme qui pouvait porter dans son sein un descendant de celui qui se proclamait Richard Plantagenet, et perpétuer ainsi la cause des guerres civiles. Mère, elle eût été condamnée à mort par l'inexorable politique du temps. Henri VIII avait voulu l'interroger lui-même. Il fut tellement frappé de sa beauté angélique qu'il la gracia sans exiger aucune justification, la réintégra dans tous les droits qu'elle possédait comme descendante des rois d'Écosse, et pour la fixer à la cour, l'attacha à la maison de la reine. Catherine Gordon avait donc repris ses titres et son nom de famille. C'était elle qui entrait en ce moment dans le cabinet du cardinal ministre, qu'elle n'avait jamais cessé d'aider secrètement de ses conseils et de son influence à la cour. Celui qui venait de jeter des regards si fiers sur l'élite de l'Angleterre, réunie autour de lui et pour lui, se prosterna presque devant cette femme. « Vous allez faire arrêter, Sir Amias Paulet, » dit-elle. « Quelles seront les suites de cette mesure ?»« Un procès infamant, dans lequel on lui attribuera sans doute à crime particulier les folies de son parti, l'orgueil, les exactions, les brigandages de la caste à laquelle il appartient. Ce prétexte couvrira des apparences de l'intérêt public la vengeance d'un seul homme. Ce sera une atrocité parfaitement légale. » Le ministre baissa les yeux et elle continua. Quand vous n'étiez qu'un pauvre jeune homme, ne portant pour cuirasse qu'une soutane usée, vous avez trouvé le duc de Suffolk bien cruel de se servir de ses archers et de son titre de seigneur pour vous opprimer, de prendre ses gantelets de fer pour étouffer un roitelet. Vous aviez raison. Mais maintenant, vous qui tenez de vos mains la triple force de l'Église, de la magistrature, de la royauté, n'avez-vous pas de honte de vous en servir contre un simple chevalier ? Sa vue m'a rappelé une injure restée impunie. J'ai vu se lever autour de moi toutes les tristesses, toutes les misères de ce folk. Ces souvenirs du passé m'ont fait douter du présent et de l'avenir. Pourquoi les repousser ? C'est l'ombre qui devrait donner plus d'éclat à votre fortune actuelle. Les domaines dont vous jouissez aujourd'hui sont plus nombreux que les brins d'herbe que vous aperceviez alors de votre fenêtre. Vous subissiez l'orgueilleux caprice d'un homme. Maintenant, vous jouez avec les destinées des nations. Si cela est arrivé, Catherine, c'est que vous l'avez voulu. Vous m'avez ordonné d'être heureux, d'être grand, et j'étais heureux. Oui, mais si dans l'adversité je vous ai dit courage, dans la fortune je vous dirai prudence. Oh, Catherine, dans tous les temps, dites-moi amour. C'est une ivresse dangereuse, milord, que l'ivresse d'une prospérité rapide, reprit Catherine. Si vous, avec votre esprit supérieur, vous trouvez tant d'attrait à ce faste, vous deviez penser qu'un prince bien jeune encore peut les apprécier aussi, et que souvent les rois, comme les chasseurs, ont tué l'hermine pour avoir sa fourrure. Un roi n'ose pas attaquer seul un ministre aussi puissant que moi. Or mes ennemis sont bien faibles, bien peu nombreux, pour lui prêter une assistance suffisante. Ne cherchez donc pas à augmenter leur puissance. Wolsey, une grande faveur du roi, va se joindre à toutes celles dont vous êtes comblés. Vous recevrez aujourd'hui même votre nomination au poste de chancelier d'Angleterre, et avant peu d'heures, le grand sceau de l'État reposera dans vos mains. » L'éclair d'une joie effrénée brilla sur la figure du cardinal. « Prenez plus de clémence à mesure que vous grandissez davantage. Un moment viendra peut-être où vous donneriez tous ces jours de splendeur pour une seule nuit calme, où vous donneriez toutes ces richesses pour un peu d'affection. Ôtez à sœur Paulette la faculté de vous nuire, si tant est qu'il le puisse faire. Donnez-lui son hôtel de Londres pour résidence et les murs de la ville pour limite de sa liberté. Mais n'attentez pas à sa vie. Il est si facile de tuer. Laissez ce vulgaire moyen de répression à ceux qui n'en ont pas d'autre au service de leur intelligence. Celui qui tue n'a jamais raison aux yeux de la postérité. Songez d'ailleurs que sœur Paulette a été mon hôte au jour de l'exil. S'il vous a persécuté, il m'a sauvé. Oh, pardon, pardon, Catherine, j'aurais dû m'en souvenir. Qu'il vous doive donc la vie. Dût-il s'en servir contre moi ?